18h20, heure française, 17h20 en temps universel. Vous êtes toujours à l'écoute du direct live from the Hellsass sur Radio Dogmazic, qui sera suivi d'ici 40 minutes du Fickin Mix. Donc on va relayer donc Makeface Radio, et ensuite sera suivi du silence sonore. À l'instant, vous aviez écouté Nebulous Notions de Revolution Boys, de l'album Increase the Dosage, donc qu'il qualifie lui-même de blues. Bon, on va pas le contrarier, hein, même si ça fait plutôt, bon, je sais pas comment appeler ce genre, hein, bon. Donc que vous pouvez télécharger sur beta.legaltorrents.com. Les liens sont déjà sur le forum de Radio Dogmazic. Et en fond sonore, derrière, il s'agit de Lancer de croquettes, un morceau qui est inspiré par le voisin qui lance des croquettes sur mon jardin, mais heureusement il y a mon cocker qui est là pour les intercepter, et donc mon jardin reste propre. Et c'est un des morceaux qui se trouve qui appartient à la rubrique mélanger, triturer, servir. Donc, Lancer de croquettes, qui est un des morceaux à remixer, à recycler. Donc, je rappelle un petit peu le principe de ce triturer, mélanger, servir. Il s'agit de ressampler de façon très large tout ce qui a été déjà mis dans cette rubrique pour faire de nouveaux morceaux, en y ajoutant quelques petits apports de votre cru. Pour faire des petits jingles comme ça, enfin non, c'est pas des jingles, mais des petits morceaux, là, des petites transitions de 2 minutes. La suite du programme, toujours dans le blues, on continue dans le blues avec Ultraviolet Cappuccino, quelque chose qui date d'il y a à peu près 15 jours, là. Let's Have Tilia. Il y avait déjà Let's Have Tea, et il y a aussi Let's Have Tilia. Ultraviolet Cappuccino, qui a un site web que je vais tenter de consulter si ça ne met pas trop de temps à charger. Ah non, ça va tout vite. De superbes graphismes, d'ailleurs, c'est tout à fait sympathique. Il y avait longtemps, je lis ce qui est écrit, que l'idée d'un projet alliant la musique électronique et la guitare électrique lui trottait dans la tête. Auparavant, il n'avait pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer comme guitariste soliste dans les diverses formations dans lesquelles il avait joué, cantonné dans son rôle de chanteur-guitariste, mais sa rencontre avec Black Tees fut le déclic. Oui, donc là, toute cette histoire, donc il y a tout un point de départ. Donc il veut mélanger la guitare électrique et la musique électronique, et apparemment, il ne trouvait pas. Ah bah ça, en plus, les illustrations qu'on voit là, ça ressemble un petit peu. Il y a une vague ressemblance avec mes pochettes d'albums là pour les émissions de la radio. Mais enfin, je crois qu'il le fait quand même beaucoup mieux que moi. Moi, je fais des trucs comme ça en deux minutes, vite fait, mal fait, histoire bah, qu'il y ait une pochette d'album que l'on sache où on est simplement. Mais sans plus. Donc, Let's Have Tilia, par Ultraviolette Cappuccino. Let's Have Tilia par Ultraviolet Cappuccino, mais qui, finalement, il y avait plus de guitare que d'électronique, c'est le moins qu'on puisse dire. Sous licence Creative Commons by NCSA 2.5, Alcat Est, encore du blues, percussion et blues, ça s'appelle. Ah ben, tout est dans le titre. Composé par Yves DeVos le 12 septembre 2008, mis en ligne le 27 décembre 2008 sur Dogmazic. Vous le trouvez sur le site Alcat Est, qui s'est autoproduit. Et donc, après le thé, voilà quelque chose qui est beaucoup moins calme, la percussion et le blues. Percussion et blues, ou percussion and blues, ça peut se lire aussi bien en français qu'en anglais. D'ailleurs, il y a peut-être même encore d'autres langues possibles. Bon, tout dépend comment on écrit percussion, en fait, si cette orthographe est valable ou pas. Pour cette émission du Direct Live from the Hellas, qui est écoutée internationalement, et je n'exagère pas, puisque j'avais pu constater avec le BitTorrent que ça partait un petit peu partout, par exemple en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Chine, au Japon, en Inde, au Canada, même dans le Canada anglophone, bien que l'émission soit en français. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez encourageant. Les frontières ont bien... il n'y a pas vraiment de frontières pour les émissions que l'on fait ici. La musique est tout à fait universelle. Pour continuer encore un dernier blues avant de passer à autre chose, la route du vide, c'est Bon Temps, pas Bon Temps Pis, hein, c'est Bon Temps qui nous a fait ça sous licence art libre, donc ça date d'il y a un an à peu près, la route du vide, je me rappelle plus à quoi ressemble le morceau, ça fait tellement longtemps que je l'avais programmé et que je ne me rappelle plus à quoi ça ressemble. Donc plutôt je vais vous l'envoyer tout simplement. J'allais faire démarrer le même morceau qu'à l'instant, la route du j'allais me tromper. On allait réécouter les percussions de blues. Voilà ce que c'est que d'avoir 375 fenêtres et d'avoir des sous-fenêtres à l'intérieur. On ne s'en sort plus. La radio, c'est quelque chose qui rend fou. C'est une route déserte et nue, un chemin qui va nulle part, là où personne n'est attendu, là où il n'y a rien à croire. Un joli sentier sur la crête pour y dominer le néant, défricher ses pensées secrètes, dévaler les pentes du temps. C'est une route clandestine que personne ne veut savoir, la mélancolie qui patine sur le vécu de son à l'ombre creuse de l'été, où aiment s'abriter les bonheurs, pas le creuset des amitiés dans lequel fondent les peurs. C'est une route noctambule, emballé au gré des hasards, le fil ténu du funambule et la toile du désespoir. C'est le lendemain qui vacille dans un présent sans horizon, le passé qui met des guenilles pour habiller son abandon. Dans le taciturne des nuits, sans avenir et sans mémoire, pas même celle des nostalgies. C'est sur ce petit chemin sordide, sur lequel on n'existe plus, où se crée la haine solide et le principe du refus. C'est une route. Tchiki-poum, tchiki-poum, tchiki-poum, tchiki-poum, la route du vide de Bon Temps. Dernier blues de cette programmation d'aujourd'hui. Il y aura certainement encore du blues dans d'autres émissions à venir. En fonction de ce que j'ai préparé et de quand ça vient, on passe à quelque chose que j'ai classé dans chansons francophones, mais qui pourrait un petit peu rejoindre le folk qu'on avait au début. Tout dépend de la définition qu'on a, ou alors du pop. C'est toujours très difficile quand ils mettent chansons francophones. Ça serait peut-être la French folk. Peut-être un petit peu de l'album Grain d'amour quand je serai petit, et puis sinon sans album spécifique, Le Front dans la Terre et Regardez-moi. Bien sûr, il s'agit de Tom Yeck. Tom Yeck qui est sur Dogmazik aussi depuis un bon moment. Donc quand je serai petit, qui a été composé en 2005. Le Front dans la Terre, c'est encore plus ancien, 1997. Et Regardez-moi, ça nous date de 2003. Autoproduit tout ça, il fait ça tout seul et c'est sous licence. Alors, quand je serai petit, sous licence Creative Commons by NCND et puis les deux autres sous licence by SA. On est donc dans les choses. Alors, quand je. Le Front dans la Terre, ça, oui, ça me. Il me semble que ça. J'avais trouvé le son peut-être un peu synthétique, si c'est le morceau auquel je pense. Regardez-moi, celui-là, il me plaît bien, quoi. C'est un petit peu le morceau anti-Starak. Enfin, tous les gens qui veulent passer à la télé comme ça. Oui, bah, moi, je passe à la radio, mais personne dans mon quartier ne le sait. J'en fais pas la publicité. Et c'est pas plus mal comme ça, parce qu'on ne passe pas à la télé ou à la radio pour se faire voir. On se passe parce qu'on a quelque chose à dire, quoique là, je débite un petit peu n'importe quoi, je crois quand même. Alors plutôt que de dire n'importe quoi parce que je n'ai rien à dire, ben je fais au moins passer de la musique, c'est déjà ça. Encore un peu grand, le monde est si petit. Entre l'autoroute, les trottoirs, les vitrines et mon lit. Je peux jamais sortir de table avant d'avoir payé. Il faut toujours dire vous quand on ne se connaît pas assez, ou qu'on est moins ancien, ou moins rémunéré. Et puis les autres. Et puis les autres. Et puis les autres ne veulent bien jouer qu'une fois tout acheté, tout préparé, tout équipé. Mais quand je serai petit, je vous garantis que l'horizon va s'étirer, que le temps va se dilater, que les montagnes si fières voudront bien s'incliner. Je suis encore un peu grand, à cet âge-là, on est bête. Entre l'aigreur, les silences, les fausses joies, les tristes fêtes. Je sais toujours pas dire non, vu que ça pourrait déplaire. J'ose toujours pas dire oui, parce que à quoi ça sert? Je ne prends pas très souvent des nouvelles de ma mère. Et puis les autres. Et puis les autres. Et puis les autres présument bien faire. Admire la beauté de l'univers sans jamais se taire. Mais quand je serai petit, je vous garantis que je ne me laisserai jamais faire, que mes pieds ne toucheront plus terre, que mon cœur s'envolera au premier courant d'air. Mais quand je serai petit, je vous garantis que je serai plus jeune que les jeunes filles et que toutes les personnalités, j'aurai le nez dans leurs chevilles. Seules les premières me feront rêver. Je pourrai tenir sur les balançoires sans faire traîner mes trop grands pieds. Je monterai sur tous les perchoirs sans chercher à les posséder.

Mes sujets sont traités sans complexe. Mes invités parleront de leur sexe, de leur manie, de leurs penchants et de leurs ex. Leurs expériences de tous les sens, dans tous les sens. Ne baisez pas ce soir, ne baisez pas. Ne baisez pas ce soir, regardez-moi. Mais il n'y a pas que du sexe au sommaire. Il y aura de la foi, du fric, des faits divers, des bêtisiers, des publicités étrangères, et du scandale, du stade anal, de la morale. Ne pensez pas ce soir, ne pensez pas. Ne pensez pas ce soir, regardez-moi. Je suis salarié de la télévision et j'ai monté ma boîte de production. D'un côté employé et de l'autre patron, tout à plein temps grâce au talent d'intermittent. Ne partez pas ce soir, ne partez pas. Ne partez pas ce soir, éclairez-moi. Qu'est-ce que j'apprends? Je vais avoir des vacances. Depuis quelque temps, je ne fais plus trop d'audience. Je suis convoqué chez le boss, je sens tourner ma chance. Je vais négocier l'indemnité, puis me venger. Ne zappez pas ce soir, ne zappez pas. Ne zappez pas ce soir, regardez-moi. Je me ferai inviter par un confrère pour mon bouquin qui ne coûtera pas trop cher. Mes vieux copains me feront une promo d'enfer, celle d'un martyr qui se retire pour mieux revenir. Ne vous enfuyez pas, regardez-moi. Ne vous enfuyez pas, regardez-moi. C'était à l'instant Tom Yeck qui nous a interprété tour à tour « Quand je serai petit »,« Le front dans la terre » et « Regardez-moi ». Et puis, ben, dernier morceau avant de clôturer l'émission et de passer la main à Makeface Radio pour le Fikin Mix qui sera suivi de « Silence sonore ». Sigmund, sous licence non commerciale « Ses réactions », qui est chanté par Gurb. Donc, dans la chanson francophone, c'est également... Ben, ça, c'est pas mal. J'aime bien cette chanson. Quoi, des choses comme ça, un petit peu comment dire, des idées un petit peu stupides enfin qui vont jusqu'au bout d'une logique un petit peu incohérente. Sigmund se contemple nu devant la glace et voilà qu'à nouveau quelque chose l'agace. Jambes athlétiques et un torse bien musclé ne peuvent cependant pas nous dissimuler qu'il souffre de la petitesse de ses parties, dont néanmoins il avait su tirer profit. Persuadé que sa technique acquise de haute lutte lui permet de pouvoir assouvir tous ses rutes. Connaît sur le bout des doigts l'anatomie des femmes et dans ce domaine est bien loin d'être profane. Sigmund, t'inquiète, ça va grandir. Sigmund, t'inquiète, ça va revenir. Pour les débats, il portait un trois pièces rembourré juste avant les épaules noires, les moustillés. Les femmes succombaient à de telles réjouissances, un striptease avant décuplant ses performances. Mais désirant varier les plaisirs, il formait. Jouvant, c'est le novice prêt à tout gober. Quand il reçut la visite d'une apprentie zélée, qui par une alléchante manœuvre s'employait. Le temps passant, elle eut un fatal éternuement. Ses mâchoires le raccourcissant, elle s'enfuit en criant. Sigmund, t'inquiète, ça va grandir. Sigmund, t'inquiète, ça va revenir. Sigmund voit un médecin qui le pense comme il peut et le renvoie chez lui tout seul et malheureux. Il s'allonge dans le noir et tout à son supplice rêve d'un pouvoir magique soignant son appendice. Quand la fée Pinocchio soudainement apparaît, décide bienveillant d'exaucer son souhait. Pour la remercier emmène dîner cette complice qui part trop gourmande s'empiffre de ses délices. Puis la fée dévouée s'occupe de son extrémité mais trop imbibée elle se trompe et lui agrandit le nez. Sigmund, Sigmund. Si Sigmund à l'instant, donc chanté par Gurb. C'était la dernière chanson de cette émission. Je n'ai plus le temps pour vous en mettre une autre parce que dans moins de 5 minutes, ça va être Make Face Radio et que je vais encore faire passer un petit coup de la rubrique triturer, mélanger, servir. Donc Gurb qui était sous licence Creative Commons non commerciale. Non commercial, c'est réaction. Voilà, donc on a eu dans l'ordre dans cette émission du Tagel, White Wolf, Sonic Princess, PELF, Pied de Nez, Miguelito Contraband, Acoustic Freak, Del Garma, Black Nose, La Campagne, Revolution Void, Ultraviolet Cappuccino, Alcarest, Bon Temps, Tom Yeek, et à l'instant, Gurb. Ça c'était pour un petit peu le rappel des titres, comme on dit chez les... comme on aurait dit un petit peu dans une... dans un journal télévisé, par exemple. Non, j'ai pas rappelé les titres, là j'ai rappelé les artistes. Donc c'était aujourd'hui un direct live from the Hellsass, orienté folk, blues et chansons francophones. Pour une fois, pas de bizarrerie, pratiquement pas, enfin si, dans la rubrique triturer, mélanger, servir, ça oui, on en a eu quand même un petit peu, des choses un petit peu space. Mais là, on a été un petit... j'ai été très sage aujourd'hui, hein, donc blues, chansons francophones et folk, qui nous changent des habitudes de l'émission. Donc, dans quelques minutes, là, d'ici 3 minutes, donc ça va être le Fickin Mix, présenté par Fickelchap, et qui sera donc relayé sur Makeface Radio, suivi de Silence Sonore. Donc vous aurez droit aujourd'hui à 6 heures d'émission animée en direct. On est vraiment gâtés sur Radio Dogmazic aujourd'hui. Et en fond sonore donc de la rubrique triturer, mélanger, servir, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de Hilar Monic. C'est un remix que j'ai considéré comme un petit peu loupé en soi, c'est pas mon préféré, mais je l'ai gardé quand même en ligne parce que en recyclage, j'ai pu en faire quelque chose qui était bien meilleur quand même. Puisqu'il est remixable, autant le laisser. Ce que vous entendez, c'est mes essais de guitare électrique sans guitare électrique quand même. Ah, ça faut le faire quand même. J'ai pas de guitare électrique et pourtant j'en joue. Ça c'est les moyens du bord et puis ça permet d'aboutir à des choses parfois un petit peu, qui changent aussi des habitudes. Non pas que le manque de moyens soit une nécessité, mais ce n'est pas forcément un mal. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée en compagnie de... je vous laisserai en compagnie de Fickelchap et de son Silence Sonore et puis bien sûr d'abord de son Fickin Mix. Ciao à tous, merci d'avoir écouté et vous pourrez retrouver l'émission en ligne d'ici quelques minutes, la première partie et quelques heures les deux autres, le temps que je passe. Et bien sûr, l'émission sera également disponible sur Imule et sur le BitTorrent.